Je sais pas trop si tu m'entends, hein, mais... Ça y Ah. est, normalement là je transmets. Voilà, là j'ai branché le micro, mais je ne sais pas si tu m'entends. Et normalement, oui. La guitare, je Ouais, ne sais pas si super, je tu t'entends. m'entends. Je démarre la bande son. Bon, c'est génial, hein. Je te chope sur les haut-parleurs aussi. Vas-y voir, ouais, la gratte. Parti au mauvais moment, hein. Faut que je me cale. Et tu sais qu'il y a un petit micro en direct. Pas si Tu as t'as vu qu'il entendu y a un la petit gratte ou micro pas. au-dessus de la barre à gauche. On peut se parler en direct. Bon, je vais essayer de choper, hein, le démarrage. Zut, j'ai encore loupé le démarrage. Non, j'ai décalé. C'est chiant. Chaque fois, j'attends une rotation, tu sais. Voilà, là je suis calé. Bon, la synchro, hein, elle est effectivement pas, elle est pas bonne, hein, Nicole. Hein. Ça que tu jouais, quand ton son arrivait, il était décalé, quoi. Synchro là, il faut guetter la première impulsion, je pense, hein, le 1. Je sais pas de.